Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémouzo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le jeudi 1er août, et oui, déjà, et nous souhaitons une bonne fête au Alphonse, ça vient du germanique, noble, vif. Alphonse est particulièrement sociable, enthousiaste, extraverti et grand consommateur de communication. Alphonse sait se rendre sympathique tant par son caractère doux et pacifique que par sa sensibilité et son sens humanitaire. Courageux et déterminé, s'il est motivé, il est capable de fournir de gros efforts. Son hypersensibilité et sa perméabilité à l'ambiance peuvent lui jouer des tours. Lorsqu'il est ébranlé émotionnellement, il est vite désarmé et capable de se réfugier vers des paradis artificiels ou la recherche de la facilité. Heureusement, il est chanceux et son humeur, bien que souvent sujette aux extrêmes, est en général enjouée. Créatif et inspiré, il est très nerveux et cela peut se traduire par une mobilité excessive de la dispersion. Dans sa profession, il se montre perfectionniste. Sa tenue vestimentaire est toujours très soigné. Ordre et propreté sont ses mots favoris. Dicton du jour, on en a plusieurs. Qui se marie un 1er août, la corde il se met au cou. Il faut cueillir les choux l'un des trois premiers jours d'août. Lorsqu'il pleut au 1er août, les noisettes sont piquées de poux. Ou s'il pleut un 1er août, pas de grain du tout, c'est un dicton normand. Célébration internationale à la Barbade, aux Bermudes, aux Guyana, Jamaïque, Trinité et Tobago, fête de l'émancipation. Au Bénin, c'est la fête nationale. En France, en Bretagne, c'était la fête nationale bretonne, une ancienne fête inspirée par Alain Barbetorte. Au Royaume-Uni, en Angleterre, Yorkshire, c'est le jour du Yorkshire et premier jour du carnaval d'El Pueblo à Londres. Et en Suisse, c'est la fête nationale. Et dans les événements qui se sont déroulés, 1er août 1960, indépendance du Bénin. Allez, tout de suite, première pause et on va retourner dans les années 90. Hein. Oui, ça doit être ça, hein, la Funky Family, art de rue. Ambiance scandale, danse de vandale, ça d'où vient la chaleur. DJ, breaker, b-boy, rappeur, beatbox. Ambiance scandale, danse de vandale, ça d'où vient la chaleur. DJ, breaker, b-boy, rappeur, beatbox. Le thème c'est art de rue, des diables qui pratiquent et ce qui aiment, ce putain d'art de rue. Ce qui danse sur la piste, sur la pierre ou à la zone. Ce qui mixe, ce qui parle sur la zik et ce qui tague sur les fourgons. C'est un mode de vie, une chose qui nous rend sérieux. Un besoin unique, vécu jour et nuit, on désire toujours faire mieux. Vu que la vie n'est qu'un test et que toutes les situations sont complexes, on pense et l'esprit dit fais-le. Pense tant qu'on respire et qu'on est libre, y'a qu'à oser vieux, savourer l'existence comme on peut. L'essentiel est de faire ce qu'on aime et comme on veut. Morveux, le rap c'est bon quand tu fais ça par amour, mais pas quand y'a beaucoup de fric en jeu. On s'en rend compte qu'une fois coincé dans le cercle vicieux. C'est un salut aux anges et aux dangereux. C'est un salut aux jeunes de France, de la zone et de l'opéra. Aux anciens qui ont pratiqué l'art de la danse comme 5DA. Sur les trains, les murs crades et là où ça craint, comme sur les palais et commissariats. Salut à ce qui parle sur de la musique, ce qui décrive joie, angoisse, haine et amour. Sans méthode précise et sans être alléché par la pas du gain, mais juste parce qu'ils en éprouvent le besoin. On en a marre de rire, gloire à l'art de rue, dédié aux gens durs et à tous ceux de ta rue. Le thème c'est art de rue, dédié à ce qu'ils pratiquent et ce qu'ils aiment, ce putain d'art de rue. Ambiance scandale, danse de vandale, ça nous vient la chaleur. Gloire à l'art de rue. DJ, breaker, b-boy, rappeur. Notre style ou tu connais pas, c'est qu'on est là, dégommer ça, stop les débats, étonnez-moi, les femmes, les gars, faites des dégâts, déconnez pas. Troisième millénaire, rien qui change, b-boy. Dédicacé à ceux qui rappaient sur beatbox. Maintenant les MC veulent tous parler de la même chose, mais ils ne font pas baigner leurs textes dans la même sauce. On explose, extorque, exporte, explore, sextorque, s'escorque, vexport. Et fuck, si t'aimes pas le rap, c'est quoi qui te dérange? Tu veux peut-être nous abattre, c'est ça qui te démange. Des petites phrases et des phases face au drame de la rue. On s'emballe, tu te sens mal si tout crame, c'est de l'abus. Les ordures pensent qu'on est bon qu'à prendre, vendent des drogues dures qui s'approchent, ressentent la morsure. Le truc s'est forgé dans la pénombre, l'attente était longue, goûte l'élixir, vois une gorgée tombe. T'as reconnu ce putain d'art de rue? Faut le suivre à la trace ou pas le perdre de vue. Dédié à ceux qui dorment pas, L A Z O N E, D J U L S D O N S O U N E. J'entends dire que nos zones sont synonymes d'échecs. C'est vrai que chez nous c'est plutôt ouvrier qu'architecte, que nous payons en liquide et rarement par chèque. Gardons la foi dans ces périodes où tout est sec. Même au plus bas dans la merde, on lâchera pas le steak. On l'a déjà dit mec, c'est nous contre eux. Dans tout duel, moi la marque, il en est jamais deux. Dans nos ruelles, seigneur, ne viens pas qui veut. Votre politique, on ignore, dans nos quartiers, c'est sauf qui peut. Si ça va pas, on s'en remet à Dieu. Que sa puissance exauce nos voeux. Que la gloire soit dans nos rues et dans cette architecture. Ça encouragerait tous qui ont cru. Ma famille, son Kiev et le crew. Dans ce monde où tout est flou, on essayera de faire notre trou. Dans cette ambiance vandale, danse des chacals, destin vandale, tous poussés par la dalle. Dans ce qu'on entreprend, faut être des morphales. Y'a toujours une faille. Gloire à l'art de rue, ambiance scandale, danse de vandale, ça nous vient la chaleur. Gloire à l'art de rue, DJ, breaker, b-boy, graffeur, beatbox. Jusqu'au bout, art de rue. Ambiance scandale, danse de vandale, ça nous vient la chaleur. Gloire à l'art de rue, DJ, breaker, b-boy, graffeur, beatbox. Jusqu'au bout, art de rue. Vous, ça m'a amené, j'aurais pu me passer d'aller à l'école, de fumer de la drogue ou de boire de l'alcool. Mais comment me passer de rapper sur ma vie? Cette musique constitue encore un des rares trucs qui m'anime. J'ai pas confiance en l'argent, ça passe d'un compte d'une main, d'une poche à une autre. Et puis même s'entretuer une autre. J'fais pas confiance aux femmes, ça passe d'un homme à un autre. De l'arrière d'une case, d'un lit à un autre. Note que dans nos têtes, c'est le vrai désordre. Pour preuve, j'rappe des trucs qui ont rien à voir les uns avec les autres. Si c'est Men's World, j'me rends compte quand j'suis au plus mal, bien die, fucked up. J'suis pas doué pour le vol ni pour le deal, j'rappe pour vivre. C'est toujours mieux d'avoir des flics qui me poursuivent. Je fais pas ça pour les femmes, ni avoir trop de fans, ni pour voir ces rimes classées profanes. Gloire à l'art de rue, si tu vivais ce qu'on voit, je suis prêt à parier que t'exprimerais les mêmes faits que moi. On n'est pas si loin du chaos, nous n'est à l'abri d'être plus bas. Pense au cas où tu seras amené à fumer ce qu'on fume, boire ce qu'on boit, vivre ce qu'on voit ou livrer ce qu'on bat. Gloire c'est la guerre, même si tu peux pas le croire. Y'a aussi de l'amour partout, même dans mon rap, même si tu veux pas le voir. DJ à nos rues, l'art qui s'en dégage, tout ce qui exprime la rage, tous nos apaches. Funky Family, l'histoire continue, jusqu'au bout dans l'art des rues. La Funky Family sur RGM, il est presque 8h38, on parle anniversaire, ils sont nés un 1er août. On commence en 1941 avec la naissance de Nathalie Delon, actrice française, ex-femme d'Alain Delon, vue dans Le Samouraï, La Leçon Particulière ou encore Une Femme Fidèle. 1942, naissance de Giancarlo Giannini, acteur italien, vu dans Man on Fire, Casino Royale ainsi que Quantum of Solace dans le rôle de René Matisse et vu dans la mini-série Catch 22 dans le rôle de Marcello. 1962, naissance de Mac Lesguy, ingénieur, animateur télé français qui présente depuis 1991 la célèbre émission E égale M6. 1963, naissance de Coolio, rappeur américain notamment connu pour le titre Gangsta's Paradise, dont on écoute tout de suite eh bien, un extrait. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been spending most of the nights living in the gangsters. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life, I was raised by the state. So I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banger. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? Voilà pour l'extrait de Gangsta Paradise de Coolio. Allez, on continue les anniversaires. 1965, naissance de Sam Mendes, réalisateur britannique, à qui l'on doit J'arrête la fin de l'innocence, Les Noces Rebelles, Skyfall ou encore Spectre. 1971, naissance de Mesmer, artiste de l'hypnose québécois. 1974, naissance de Don Choa, chanteur français de la Funky Family. 1977, naissance de Damien Saez, chanteur français. 1979, naissance de Jason Momoa, acteur américain, vu en 2011 dans le film Conan, dans le rôle de Conan le Barbare, vu ensuite dans Batman vs Superman, l'aube de la justice, ainsi que Justice League et Aquaman dans le rôle d'Aquaman, rôle qu'il reprendra d'ailleurs dans le deuxième volet dont la sortie est prévue pour 2022. Et on l'a d'abord connu dans la série Alerte à Malibu dans le rôle de Jason Yohan, vu ensuite dans la série Stargate Atlantis dans le rôle de Ronan Dex, et connu aussi pour son rôle de Khal Drogo dans la série à succès Game of Thrones. 1980, naissance de Mouloud Achour, animateur télé, journaliste, musicien, acteur, scénariste franco-algérien, journaliste chroniqueur dans le Grand Journal, animateur du Gros Journal. Depuis 2017, il anime Clic Dimanche, vu dans le film Chétan, Astérix aux Jeux Olympiques ou encore Le Choc des Titans. C'est également l'année de naissance de Pénélope Le Provost, cavalière de saut d'obstacle française qui, aux Jeux Olympiques, compte une médaille d'or, s'était remportée en équipe. Au championnat du monde, elle compte 3 médailles d'argent et en Coupe des Nations de saut d'obstacles, elle compte 2 médailles d'or et au championnat d'Europe, une médaille d'argent. 1982, naissance d'Aurel San, chanteur français, et on s'écoute tout de suite un extrait du titre « La Terre est ronde ». Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. T'as besoin d'une voiture pour aller travailler. Tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter. Tu vois ce genre de cercle vicieux, le genre de truc qui donne envie de tout faire sauf de mourir vieux. Tu peux courir à l'infini, à la poursuite du bonheur. La terre est ronde, autant l'attendre ici. J'suis pas feignant mais j'ai la flemme. Et ça va finir en arrêt maladie pour toute la semaine. J'veux profiter des gens que j'aime. J'veux prendre le temps avant que le temps me prenne et m'emmène. J'ai des centaines de trucs sur le feu, mais j'ferai juste ce que j'veux quand même. Au fond, j'crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait tout du monde, être à la maison. Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Les rappeurs qu'un riz donnent les mêmes conseils que mes parents. Fais ce que tu veux dans ta vie, mais surtout fais de l'argent. J'essaye de trouver l'équilibre. À quoi ça sert de préparer l'avenir? Voilà pour La Terre est ronde d'Aurel San. Allez, on continue. 1985, naissance de Sarah Giraudeau, comédienne française, vue en 2014 dans La Belle et la Bête dans le rôle de Clotilde, vue dans Papa ou Maman 2 dans le rôle de Bénédicte, Petit Paysan dans le rôle de Pascal, récompensé par le César de la meilleure actrice dans un second rôle, et vue dans la série télé Le Bureau des Légendes dans le rôle de Marina Loiseau. 1986, naissance d'Elena Vesnina, joueuse de tennis russe professionnelle depuis 2002, qui en simple a été 13e mondiale en 2017, demi-finaliste à Wimbledon, 8e de finaliste à l'Open d'Australie et 16e de finaliste à Roland-Garros ainsi qu'à l'US Open. En double, elle a été numéro 1 mondiale, c'était en 2018. Elle a gagné une fois Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open, deux fois finaliste à l'Open d'Australie. Aux Jeux Olympiques, en double, elle compte une médaille d'or et elle a remporté deux Fed Cups, c'était en 2007 et 2008. 1987, naissance de Jakov Fak, biathlète slovène, qui aux Jeux Olympiques olympiques compte une médaille d'argent, c'était en 2018 sur l'individuel. Une médaille de bronze, c'était en 2010 sur le sprint. Au championnat du monde, il compte 2 médailles d'or remportées sur l'individuel et sur la mass start. Une médaille d'argent sur le relais mixte et 2 médailles de bronze sur l'individuel et le sprint. 1990, naissance de Jake O'Connell, acteur britannique. Vu dans Invincible d'Angelina Jolie dans le rôle de Louise Amperini ou encore la série télé Skins dans le rôle de James Cook. En 1903, décédé Calamity Jane, célèbre personnalité de la conquête de l'Ouest américain. En 2003, décédée Marie Trintignant, actrice française, vue entre autres dans Mon amour, Ça n'arrive qu'aux autres, Fugueuse ou encore Comme elle respire. Et en 2017, décédé Jérôme Golmar, joueur de tennis français, décédé des suites de la maladie de Charcot. Il a été 22e mondial, c'était en 1999, 16e de finaliste à l'Open d'Australie, Wimbledon et l'US Open et 32e de finaliste à Roland-Garros. Et avec l'équipe de France, il était finaliste de la Coupe Davis, c'était en 1999. Allez, tout de suite, on s'écoute Damien Saez avec son titre « Jeune et con ». Sur la planète France et je sors doucement de mes rêves. Je rentre dans la danse comme toujours. Il est 8h du soir, j'ai dormi tout le jour. Je me suis encore couché trop tard. Je me suis rendu sourd. Mais demain rien n'ira mieux. Puisqu'on est jeune et con, puisqu'ils sont vieux et fous, puisque des hommes crèvent sous les ponts. Mais ce monde s'en fout, puisqu'on est que des pions contents d'être à genoux. Puisque je sais qu'un jour nous gagnerons à devenir feu, devenir feu. La planète France, mais j'ai depuis longtemps perdu mes rêves. Je connais trop la danse, comme toujours. Il est 8h du soir, j'ai dormi tous les jours. Mais je sais qu'on est quelques milliards à chercher l'amour encore. Encore une soirée où la jeunesse France encore. Elle va bien s'amuser dans cet état d'urgence. Alors elle va danser, faire semblant d'exister. Si l'on ferme les yeux, on vivra vieux. Puisqu'on est jeune et con, puisqu'ils sont vieux et fous. Puisque des hommes crèvent sous les ponts. Mais ce monde s'en fout. Puisqu'on est que des pions contents d'être à genoux. Puisque je sais qu'un jour nous nous aimerons comme des fous. Comme des fous. Damien Saez avec le titre « Jeune et con » sur le 107FM. Un peu plus de 8h49, on fait tout de suite un point météo. La météo. Aujourd'hui, ce sera une journée ensoleillée avec un petit peu de nuages, des températures presque fraîches hein, quand même après la canicule. Entre 12 et 13 degrés ce matin, entre 24 et 26 degrés pour cet après-midi, très agréable. Vendredi, soleil et nuages avec des averses de pluie à prévoir pour vendredi après-midi. Des températures comprises entre 13 et 14 degrés le matin, entre 23 et 24 degrés prévus pour vendredi après-midi. Samedi, soleil et nuages, des températures comprises entre 14 et 15 degrés le matin et entre 23 et 25 degrés prévus pour samedi après-midi. Allez, on fait tout de suite un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Bon, eh bien, en actu sportive, on a que du tennis ce matin. On commence avec le tournoi de Washington où Manarino a été éliminé par Gombos qui a été repêché. Hein. Le Français devait affronter Anderson. Eh bien, Manarino s'est incliné en 2-7, 6-4, 7-6. Même score pour Gilles Simon qui s'est incliné face à Nick Kyrgios. Herbert s'est incliné en 3-7 face à Kecmanovic. 3-6, 6-4, 7-6. Le seul rescapé côté tricolore de la journée d'hier, c'est Benoît Paire qui s'est qualifié en 3-7 face à Paul Mans, 6-3, 6-7, 7-6. Il affrontera aujourd'hui Isner et Joe Wilfried Tsonga affrontera Edmund. Côté féminin, hier a noté la qualification de Mladenovic en 3-7 face à Baptiste, 6-4, 4-6, 6-3. À Los Cabos, plus de Français après l'élimination hier de Lucas Pouille en 3-7 face à Kokkinakis, 2-6, 6-4, 6-3. À Kitzbühel, Jérémy Chardy s'est qualifié en 3-7 face à Lajovic, 3-6, 6-4, 6-3. Il affrontera aujourd'hui Ramos Vinolas. Avant de terminer par une musique de l'été, on va faire un point sur des événements qui ont lieu dans la région. Avant la matinale, on a pu entendre Chris qui nous parlait de la fête du Schlittage qui aura lieu donc ce week-end. Événement qui, lui, a lieu demain. On écoute ça tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107 FM. Aujourd'hui, je reçois Laetitia Zuccali par téléphone pour nous parler d'un Cluedo organisé à la médiathèque de Remiremont. Bonjour Laetitia. Bonjour. Donc, pouvez-vous nous en dire plus sur le Cluedo ? Alors du coup, c'est un Cluedo qui se déroule dans les années 1738 lors de la guerre de 30 ans. Et du coup, il va y avoir un meurtre à résoudre. Avec des acteurs présents et deux salles avec des indices et des épreuves à réaliser. D'accord, c'est à partir de... Alors c'est à partir de 5 ans jusqu'à 100, 120 ans, il n'y a aucun problème, les épreuves sont adaptées. Ça commence à 18h avec une petite demi-heure d'introduction et d'explication sur le déroulement de l'animation. D'accord. Ensuite, nous avons une heure et demie de jeu où les gens vont vraiment se mettre par équipe et poser des questions aux acteurs présents et vérifier un petit peu dans les salles s'il y a des indices, des épreuves à résoudre. Et à la fin, on propose une demi-heure de débriefing pour retrouver un petit peu les coupables, savoir s'ils ont des questions et puis répondre s'il y a d'éventuels problèmes qui est apparu pendant l'animation. D'accord, et du coup j'ai fait une petite erreur au début, j'ai dit que ça avait lieu au sein de la médiathèque, mais pas du tout. Non, c'est au Fort du Parmont, ça se déroule, ça commence à 18h jusqu'à 21h à peu près. La ludothèque propose de mettre en place une buvette pour les personnes présentes. Mmh. Et il y aura donc Monsieur Saintot, l'écrivain de La Baisse du Diable, qui sera présent pour réaliser la petite introduction de départ et proposer une dédicace de son livre sur lequel l'équipe s'est inspirée pour créer l'histoire du Cluedo. D'accord. Si on veut avoir plus de renseignements, comment on peut vous contacter ? Alors, on est joignable sur le portable professionnel de la Ludo, donc au 07 50 04 20 05. Oui. Ou alors, directement, vous venez aux heures d'ouverture pour plus de renseignements, en sachant que là, on va bloquer les inscriptions à 80. Donc, pour le moment, il me reste 14 places encore de disponibles. D'accord. Donc, nous rappelons les dates. La date, c'est le vendredi 2 août, à partir de 18h. Oui, au Fort du Parmont. Au Fort du Parmont, avec la présence de Monsieur Saintot. Oui. Du coup, un dernier mot peut-être ? La ludothèque est très contente de pouvoir proposer quelque chose d'historique et j'espère que les gens apprécieront et s'amuseront auprès de nous. D'accord, eh bien je vous remercie d'avoir pris quelques minutes pour nous en parler. Merci. Et bah venez nombreux pour cette activité. Merci. Merci. Voilà pour le Cluedo Grandeur Nature qui aura lieu donc demain. Allez, tout de suite, tube de l'été 2014, c'était Shakira avec le titre Waka Waka. Choosing your battles, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. This time for Africa. Listen to your dad, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. If I'm a spotoda, people are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. For Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie mama, one A to Z. My sister's all on my journey, biggie, biggie mama, from East to West. My team, waka, waka, my A, A, waka, waka, my A, A. Tango, sister, my Zimu, yeah. But this is Africa. Et bien voilà, c'était Shakira avec le titre Waka Waka, tube de l'été 2014, c'était pour la Coupe du Monde, on s'en souvient. Allez, il est presque 8h59, c'est donc l'heure de se dire au revoir, mais avant de se quitter, un point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui. À 9h, ce sera la rediffusion de La Parole est à vous avec Michel, 13h30, la rediffusion de la chronique de Michel, 15h, nouvelle émission présentée par Chris à la rencontre d'auteurs, 17h, Regarde ailleurs, à 20h, La Bulle de l'IA, 23h, Rock à la Casbah, et nous on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous!